Très profond et mystérieux. Même certains musiciens redoutent. C'est vrai que mal quand. La couleur rouge, citron. C'est un tempérament héroïque parmi ces races. C'est une couleur qui crée une saveur unique. Et qui plus est unique à chaque fois qu'on l'aborde, parce qu'on ne peut pas le prendre et le fixer. C'est toujours mieux voir. Mais il existe et on dit parfois que le ragas est comme une personnalité. Une entité à part entière. Sa propre existence. Donc, comme Jules Dindaga disait souvent, seul un deuil qui devra aller. Abandonnez-vous au rayon. Rain and mud and Thank you. Thank you. Yeah. Florent. Merci, un grand merci à Anna Natif, ma fiancée qui a beaucoup participé à l'organisation et à l'initiative pour que ça marche, pour que tout le monde soit là ce soir en collaboration avec Christine. C'était vraiment, c'était vraiment touchant de voir ces énergies, pour que cette musique puisse vivre et se transmettre. Et je remercie beaucoup, c'est beaucoup d'efforts, d'organisation derrière la scène. Et je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour ça, parce que c'est s'il manque un des piliers, la construction est bancale. Merci beaucoup.